l'élémentaire et le subtil. Les enseignements de l'islam sont de deux degrés. Premier, les enseignements évidents et élémentaires. C'est ce que le commun des musulmans est censé connaître à partir du moment où il a la possibilité de lire le Coran et poser des questions aux savants. Le second, les enseignements subtils. C'est ce qui nécessite une certaine capacité d'apprentissage que la plupart des musulmans n'ont pas forcément. Et faire la distinction entre ces deux degrés d'évidence est nécessaire pour savoir à partir de quand est-il possible à un musulman d'ignorer un enseignement sans tomber dans la désobéissance pour cette ignorance. Règle. Lorsqu'une personne remplit les critères du fondement de l'islam, il est musulman, même s'il ignore ou comprend mal les branches de l'islam évidentes et élémentaires, à condition qu'il cherche à les apprendre. La preuve de cette règle est la parole d'Allah. Quiconque met croit au Tarout, tandis qu'il a foi en Allah, a ses silences la plus solide qui ne peut se briser. Sourate 2, verset 256. Ainsi que la parole d'Allah et ceux qui s'écartent de l'adoration des Tarout, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Sourate 39, verset 17. Ces versets prouvent bien que la bonne nouvelle est annoncée à tout homme qui désavoue le Tarout et en abandonne le culte, et qui a foi en Allah. Dès qu'il a réalisé ces deux choses, il a saisi l'anse la plus solide qui est l'islam, même s'il ignore certains enseignements du prophète, même les plus élémentaires. Comme c'est le cas de celui qui vient de se convertir à l'islam, ou qui vit loin des musulmans. Exemple, si un homme se convertit à l'islam, en désavouant toute autre religion, et en abandonnant l'adoration de tout autre qu'Allah, et en reconnaissant Mohammed comme prophète, et en acceptant son message, et adhère à tout ce qu'il apprendra de l'enseignement du prophète, mais qu'il ne sait pas encore que l'alcool est interdit, par exemple, car les preuves de son interdiction ne lui sont pas encore parvenues, ni que la prière est obligatoire, et au nombre de 5 par jour, car la preuve de cela ne lui est pas parvenue. Il est musulman pour son monothéisme, et sa foi en la prophétie de Mohammed est excusée pour son ignorance jusqu'à ce qu'il ait été averti. L'imam Ibn Hazm dit « Aussi celui qui a les obligations de la religion ne sont pas parvenues, il est excusé et irréprochable. » D'ailleurs, Ja'far Ibn Abi Talib et ses compagnons, radiyallahu anhum, étaient en Abyssinie, alors que le messager, alayhi salatu wasalam, était à Médine, et le Coran se révélait et les rituels se légiférait. Et rien de tout cela ne parvint à Ja'far et ses compagnons à cause de la rupture totale entre Médine et l'Abyssinie. Et ils demeurèrent dans cette situation 6 années, sans que cela ne fasse le moindre mal à leur religion, malgré qu'ils commettaient des choses qui furent interdites et délaissèrent les choses qui furent ordonnées. Puis il dit, et tout ce que nous avons mentionné invalide l'avis de certains khawarij que dès que le prophète fut envoyé, il fut alors imposable à toute personne au fin fond de tous les continents d'avoir foi en lui et de connaître toutes ses lois. Et que s'il mourait sans connaître cela, il meurt mécréant et finisse en enfer. Cet avis est invalide par le verset « Allah n'impose à aucune âme au-delà de sa capacité. » Et il n'est de la capacité de personne de connaître l'inconnu. Ibn Taymiyyah dit « Et les savants ne bannissent pas de l'islam celui qui permet une interdiction à cause qu'il vient de se convertir ou qu'il vit dans un désert lointain. » En effet, le statut de mécréant n'est donné qu'après la transmission du message. Remarque importante. Par contre, s'il ne s'intéresse pas à savoir ce que son Seigneur attend de lui et ce que son messager a ordonné et interdit, alors il n'est pas excusé de les ignorer, car il a fait exprès de ne pas les apprendre. Et ceci est la mécréance par dédain, comme nous l'avions vu. Allah a dit « Et les mécréants se dédaignent de ce qu'on leur avertit. » Sourate 46, verset 3. Ceci concerne les lois claires et élémentaires. Abdullah et Ibrahim, fils d'Abdul Latif et le Sheikh, ainsi que Sulayman ibn Sahman ont dit « La question de bannir un individu de l'islam est un thème bien connu. Lorsqu'il dit une parole dont la prononciation est une mécréance, on dit que quiconque tient ses propos est un mécréant. Mais l'individu donné qui la prononce ne sera banni de l'islam qu'après que la preuve dont l'abandon est une mécréance lui soit présentée. » Et ceci concerne les questions subtiles. Et ceci concerne les questions subtiles dont les preuves peuvent échapper à certaines personnes, comme par exemple les questions relatives au destin, à l'irgé et autres professions d'hérétique. En effet, certains de leurs propos contiennent des éléments impies qui réfutent les preuves du Coran et de la Sunna avérées. Or, les propos consistant en une réfutation des textes sont mécréances. Mais on ne donnera pas le statut de mécréant à celui qui les tient lorsqu'il existe une probabilité que l'ignorance puisse empêcher de lui donner ce statut et qu'il n'a pas connaissance des textes qu'il est en train de contredire ni des preuves. Car les lois ne sont imposables qu'après avoir été transmises, comme le mentionna Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans beaucoup de ses livres. Cheikh al-Islam dit, et ceci lorsqu'il s'agit de propos subtils, on peut dire alors qu'un tel s'est trompé et égaré. La preuve, dont l'abandon est une mécréance, ne lui est pas parvenue. Mais il arrive à certains groupes d'entre eux de tomber dans des choses évidentes que tous les musulmans, populace et individus savent que cela fait partie de la religion des musulmans, que même les juifs et les chrétiens savent que Mohammed fut envoyé pour l'enseigner et juger à mécréant celui qui s'y oppose. Comme par exemple le commandement de n'adorer qu'Allah seul sans associé, l'interdiction d'adorer un autre que lui, que ce soit les anges, les prophètes, le soleil, la lune ou les astres et les idoles. Ce sont les plus élémentaires rituels de l'islam, ainsi que l'obligation des cinq prières et la vénération de ce rite, et l'opposition aux juifs, chrétiens, idolâtres, sabéens et mazdéens, et l'interdiction des turpitudes, de l'usure, de l'alcool et des jeux de hasard. Puis tu vois beaucoup de leurs chefs qui tombèrent dans le rejet de ces choses et devinrent donc des apostats. On notera donc que les savants font une différence entre celui qui ignore un enseignement élémentaire de l'islam et celui qui ignore une question subtile. Il faut noter aussi que la valeur élémentaire et subtile ne sont pas des valeurs absolues, mais bien des valeurs relatives. Ça veut dire que on ne peut pas forcément dire que l'interdiction de l'alcool est toujours un enseignement élémentaire, sans avoir à tenir compte du degré d'enseignement de l'islam dans la religion à l'époque et l'époque. Pareil pour l'information, que les mots et les phrases du Coran sont aussi inclus dans la parole d'Allah, contrairement à ce que disent les Ash'arites. Eh bien, ce n'est pas toujours une question subtile, sans avoir à tenir compte du degré d'enseignement de l'islam dans la religion et l'époque. Mais il arrive qu'on se trouve dans une région où les avis des savants sunnites sont répandus et les réponses aux arguments des hérétiques sont propagées de telle manière que celui qui professe encore ce genre d'hérésie devient mécréant sans qu'il ne faille se demander si la preuve lui est établie ou non. Il arrive donc des fois que certains enseignements soient évidents et élémentaires dans une région à une époque donnée, puis qu'au fil des siècles, ces enseignements s'oublient petit à petit à cause de l'apparition d'égarés qui, au fil des temps, inculquent des hérésies aux musulmans. Au final, ces choses qui étaient élémentaires à une époque deviennent un enseignement subtil que la plupart des musulmans sont incapables de connaître sans quelqu'un qui leur enseigne la loi d'Allah. Et inversement, il arrive que certains sujets qui sont subtils à une époque deviennent un enseignement élémentaire. C'est le cas après que les savants et les prêcheurs aient propagé ces enseignements à travers les livres, les conférences ou les sermons du vendredi. C'est pourquoi il arriva que dans certaines régions, à une certaine époque, celui qui renie que la lapidation de l'adultérin marié, comme ce fut le cas de certains khawarij, soit excusé par l'ignorance et ne devienne pas mécréant. Alors que lorsque cela vient de la part d'une personne qui vit dans une région où cet enseignement est connu et propagé, il ne soit pas excusé et devienne mécréant immédiatement sans qu'il ne faille au préalable se demander s'il a été averti de cet enseignement. Ibn Taymiyyah dit « Et aussi celui qui invoque un autre qu'Allah ou fait le pèlerinage pour un autre qu'Allah est aussi un mouchrik, associateur. Et ce qu'il commet est une mécréance. Mais il se peut qu'il ne sache pas que ceci est du shirk illicite. » Comme c'est le cas de beaucoup de gens qui entrent dans l'islam chez les Tatars et autres qu'eux, et qui ont des petites statuettes d'étoffes ou autres, auxquelles ils rendent des cultes et qu'ils vénèrent, sans savoir que ceci est interdit dans la religion de l'islam, ou encore offrent des cultes au feu, sans savoir que ceci est interdit. Et ainsi, beaucoup de formes de shirk échappent à certains qui entrent dans l'islam, qui ne savent pas que ceci est du shirk, Une telle personne est donc égarée et son acte dans lequel il a associé est vain. Mais il ne mérite pas de châtiment tant que la preuve ne lui est pas parvenue. Ibn Taymiyyah explique ici que l'interdiction d'adorer le feu était devenue un enseignement subtil à son époque, et ceci à cause du grand nombre de savants du mal qui trafiquaient la vérité aux gens et du petit nombre de ceux qui expliquent la vérité. Il expliqua que ces mécréants ne méritent pas le châtiment tant que l'explication ne leur est pas parvenue. Mais ils ne sont, bien sûr, pas musulmans. Et comment seraient-ils musulmans alors qu'ils adorent du feu et des poupées? Et il dit, et même si ces espèces-là se retrouvent beaucoup à notre époque, c'est à cause du peu de prêcheurs à la science et à la foi, ainsi que la rupture des vestiges du message du prophète dans la plupart des contrées. Et la majorité d'entre eux n'a aucun héritage de ces prophètes pour pouvoir connaître le droit chemin. Certains même n'y ont jamais accédé. Or, dans les périodes et régions de rupture, l'homme est récompensé en fonction du peu de foi qu'il a. Et Allah lui pardonne pour les choses où la preuve ne lui est pas parvenue. Alors qu'il ne les aurait pas pardonnées à celui qui aurait eu ses preuves, comme dans le hadith connu où il est dit « Il viendra une époque où les gens ne connaîtront plus de ce qu'est la prière, ni le jeûne, ni le pèlerinage, ni la umra, à part le vieux et la vieille. Et ils diront, nous avons vu nos pères attester qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah. Il fut alors dit à Hudayfa ibn al-Yamen, à quoi leur servira de dire qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah? Il répondit, à les sauver du feu. Et le principe de cela est que les propos étant une mécréance envers le livre, la sunna et l'unanimité, on dit d'eux qu'ils sont une mécréance dans l'absolu, comme le montrent les preuves légales. Car en effet, la foi envers les lois venues d'Allah et de son messager ne peut être estimée par le seul biais de la pensée et des désirs. Il ne faut pas dire de tout un chacun qu'il est mécréant, tant qu'on n'a pas confirmé, pour son cas personnel, que les conditions du verdict de mécréant soient réunies et que les empêchements de ce verdict soient évincés, comme pour celui qui dit « l'alcool et l'usure sont licites » à cause qu'il vient de se convertir à l'islam, ou qu'il a grandi dans un désert lointain, ou qu'il entend une parole qu'il refuse d'accepter car il ne croit pas qu'elle vient du Coran ou des hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme ce fut le cas de certains salafs qui reniaient certaines choses jusqu'à ce qu'il leur soit confirmé qu'elles furent enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ce fut le cas de certains compagnons qui doutaient de ces choses, comme la question de voir Allah dans l'au-delà, ou d'autres questions encore, jusqu'à ce qu'il interroge le prophète à ces sujets. Et aussi comme l'homme qui disait « Lorsque je meurs, brûlez-moi et répandez mes cendres dans le fleuve. Peut-être ainsi échapperai-je à Allah » ou quelque chose comme ça. Ceux-là ne sont pas bannis de l'islam tant que la preuve du message ne leur est pas parvenue. Allah a dit « Afin qu'il n'y ait plus d'argument pour quiconque après l'envoi des messagers. » Et Allah a pardonné à cette communauté les erreurs et l'oubli. Mais nous notons tout de même que ces propos d'Ibn Taymiyyah servent d'argument à certains qui prétendent que lorsqu'un musulman donne un associé à Allah par ignorance, il reste tout de même musulman jusqu'à ce que les preuves lui parviennent. C'est pour ça que nous allons mettre en évidence deux normes qu'Ibn Taymiyyah a mentionnées dans cette fatwa qui prouvent qu'il ne parle pas de celui qui donne un associé à Allah. Premièrement, il a dit « Or, dans les périodes et régions de rupture, l'homme est récompensé en fonction du peu de foi qu'il a. Or, nous avons bien expliqué dans la définition de la foi que la base de la foi est la conviction et la connaissance qu'Allah est unique et que nul autre que lui n'est source de bien et de mal, ni ne mérite d'être invoqué. Deuxièmement, il a dit « Et Allah a pardonné à cette communauté les erreurs et l'oubli. » Or, Ibn Taymiyyah ne considère pas que celui qui donne un associé à Allah fasse partie de la communauté musulmane, car il dit « Vu que toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont des monothéistes, et aucun monothéiste ne s'éternisera en enfer. Et le monothéisme, c'est ce qu'Allah a défini dans son livre, et par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le verset, dit « Allah est un, Allah de qui toute la création dépend. Il n'a pas eu d'enfant et n'est le fils de personne, et personne ne lui est semblable. » Et cette sourate à elle seule vaut un tiers du Coran. Ainsi que le verset dit « Oh vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Vous n'êtes pas adorateur de celui que j'adore, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de celui que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. » Et Allah a dit « Sache qu'il n'y a de vrai Dieu sauf Allah. » Et demande le pardon de ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyants. Et il dit, et nous n'avons envoyé avant toi de messagers sans leur révéler qu'il n'y a de vrai Dieu que moi, adorez-moi donc. Il est donc clair que celui qui donne un égal à Allah n'est pas inclus dans les propos d'Ibn Taymiyyah. Les points à retenir. Les branches de l'islam, c'est tout ce dont l'ignorance ou l'abandon n'entraîne pas l'ignorance de l'unicité d'Allah ou l'insoumission à la loi enseignée par son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En principe, l'excuse pour l'ignorance ou l'erreur est accordée aux musulmans dans les branches de l'islam élémentaires lorsque celui-ci est incapable de les avoir connues jusqu'à ce que la preuve lui soit présentée. Une fois que la preuve est présentée aux musulmans et qu'il est capable de comprendre, il n'est plus excusé pour son ignorance ou sa mauvaise compréhension, et s'il continue à s'y opposer, il devient apostat. L'élémentaire et le subtil sont des valeurs qui dépendent de l'état de l'enseignement de l'islam dans la région et l'époque. Lorsque le fondement de l'islam devient un enseignement subtil dans certaines époques à cause du manque de prêcheurs à la vérité et du grand nombre de prêcheurs au mal, et que les gens ne sont plus capables de comprendre le fondement de la religion, on se retrouve dans une époque de rupture. Ainsi, le mécréant qui meurt dans une telle époque ne méritera pas automatiquement l'enfer, comme le mentionna Ibn Taymiyyah concernant certains tatars qui adoraient des poupées et du feu.